بسم الله الرحمن الرحيم ندخل في المسألة الثمانين في قوله تعالى كثمة مسألة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم dans le sens où Allah عز وجل dit oh vous qui avez cru répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle pour ce qui vous donne la vraie vie pour ce qui vous accorde la vraie vie Al-Anfal, le butin, verset 24. هذه الآية تدل بظاهرها على أن استجابة للرسول التي هي طاعته لا تجب إلا إذا دعا لما يحيينا. Donc ce verset démontre dans son apparent que le fait de répondre au messager, cela n'a lieu que, c'est-à-dire c'est le fait de lui obéir, que dans ce qui nous apporte une vraie vie. ونظيرها قوله تعالى ولا يعصينك في معروف. En parlant des muhajirat, que dans le sens où Allah dit qu'elles ne te désobéissent pas dans ce qui est convenable. Al-Mumtahina, l'éprouvé, verset 12. Wa qad ja'a fi ayatin ukhar ma yadullu ala wujub ittiba'ihi mutlaqan min ghayri qayd. Dans d'autres versets, il est venu le fait de lui obéir, de le suivre dans l'absolu, sans aucune condition. Qu'a fait qu'on l'aïe Azza wa Jal, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Que ce que le messager vous a apporté, prenez-le. Et selon dont qui vous a interdit, alors cessez-le. Al-Hashr, verset 7. Wa qawlihi ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dans le sens où il dit, et que si jamais vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Al-Imran, verset 31. Wa qawlihi, man yuti'i rasul, faqad ata'a Allah. Et que celui qui obéit au messager, a certes obéi à Allah. Anissa, les femmes, verset 80. وظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم أن الآية الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما يحيينا من خيلي الدنيا والآخرة. Donc maintenant l'apparent qu'il y a pour joindre entre les deux versets et Allah est plus savant, c'est que ce côté justement d'absolu dans les versets qui démontrent qu'il faut l'obéir totalement sont là pour éclaircir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous appelle que pour ce qui justement nous accorde la vraie vie. C'est-à-dire dans ce bas monde, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Fa shartu mazkur fi qawlihi idha da'akum mutawaffirun fi du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam limakan 'ismatihi kama dalla 'alayhi qawluhu ta'ala wa ma yantiqu 'an al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Donc justement cette condition qui est citée dans le verset lorsqu'il dit que si jamais il vous appelle, c'est-à-dire pour ce qui vous accordera la vraie vie, le même verset du sujet, qui est le verset 24, cela est inclus du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. C'est-à-dire, si tu appelles une chose, tu appelleras quelque chose qui est bien. Obligatoirement. Comme le prouve sa parole, Azza wa Jal, dans le sens où il dit qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Al-Najm, l'étoile, verset 4. والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله وأن آية الأخرى بينات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. Donc maintenant le khurasa du bab, la conclusion, c'est que le verset, lorsque Allah dans le sens il dit que si vous appelle pour ce qui vous fait vivre, éclaircit qu'il n'y a d'obéissance à la base que dans ce que on est appelé à faire, dans ce qui rend Allah satisfait, dans ce qui agrée dans ce dont Allah agrée. Azza wa Jal. Et que les autres versets démontrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement n'appelle qu'à cela. Sallallahu alayhi wa sallam. L'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les croyants n'appelle qu'à cela. D'où le fait mathalan de différencier entre l'obéissance du gouverneur et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appelle qu'à la ta'a d'Allah, contrairement aux créatures. Naam, d'où le hadith, la ta'at li makhlouk fi ma'asiyat il khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et cela ne concerne pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, abadan, ni les autres messagers. Cela concerne qui? Cela concerne les autres personnes qui, elles, ne sont pas infaillibles. Naam. Rabbi adalkod naktafi, subhanaka wa bihamdik, la ilaha ilan tastafiluka wa tubu ilayki.